c'est qu'une fiotte. Je les vois tous parler de grosses couilles. Dis-leur que dans leur jean y'a qu'une chatte. Je reconnais le style d'un punchline. J'en veux pas, son équipe un punchline. Bon carité, bon vulgarité. J'ai vu dans ses yeux que même ta femme elle veut que là. Tu cliques sur la crime, y'a des actes que tu pètes. Sauf dans la nature, la plupart dans ce game, ils vous parlent de projets, mais elles font pas d'une oui. Qui vont les abattre. Tu vois, je m'enferme sur des tractions ridicules. C'est le cas du sexe limite car entrer dans ton cul par effraction. Moi, tu sais, je m'en régale de ça. Que plat par semaine, mes gars le savent que j'ai tous les quais dans ma ville. Et quand je croise des vides, ils s'arrêtent et me suivent et me reparlent de ça. Donc, les petits rappeurs de merde m'attirent, même si c'est grave du beat dans le rap. J'arrive comme un détenu qui n'a pas de game pendant 10 piges. Je m'éclave lui, Blanchard, Narvalo, Clanchard. Je mets ma paix dans ton chat, même si t'as perdu ton charme. Oui, banlieue, braqueur, BRP, traqueur, dragueur, Marbella ou la prison, par cœur, on se nique la vie, Blanchard, Narvalo, Clanchard, je mets ma bille dans ton chat, même si t'as perdu ton charme. Oui, banlieue, braqueur, BRP, traqueur, dragueur, Marbella ou la prison, par cœur. Dans la vie, mon ami, y'a des dossiers qui n'ont pas d'excuses, comme un poteau à toi qui se marie avec ton ex. La plupart des mecs du rap français sont des grandes pédales, ouais, je les entends, ouais, je vais le fumer, mais pas juste des joints qui sont en train de bédave, oui. Oui, oui, qu'elles parlent beaucoup, j'arrive dans le rêve, leur prise de coups, quand je vois l'état des hommes aujourd'hui, je me dis qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus de couilles, chérie. Préviens les journalistes, non, j'en ai plein sur ma liste du bis, géré par des gens qui font office. Fiste, on se déclave lui, Blanchard, Narvalo, Clanchard, je mets ma paix dans ton chat, même si t'as perdu ton charme.